Et oui, Philippe Salvador, aujourd'hui nous sommes en 1516 pour éphémère, 1516. Nous nous sommes déplacés dans le temps et je me trouve actuellement sur une plaine. Une plaine avec des gens autour de moi, vous me croirez ou pas, mais je suis en pleine bataille de Marignan. Et des gens autour de moi qui se battent. Je n'ai pas encore été blessé, je vais courir, attendez. Je vais me rapprocher d'eux. Bonjour, monsieur. Soldat. Oui. Bonjour. C'est Éphémère Radio pour Marignan, Éphémère. Bonjour. Alors, nous sommes actuellement donc sur le champ de combat. De quelle bataille ? Là, vous êtes on est sur les faubourgs de Marignan. On va pas tarder à arriver sur la ville. Oui. Ce qu'on va faire, on va faire une pause au McGlaoui, histoire de restaurer les hommes, et après on va leur rentrer dans l'art. Très bien. Quelles sont vos positions actuellement ? Bah là on tient toute la chaîne ouest des restaurants McGlaoui. On va bientôt les prendre à revers et raser tout ce qui passe. Je m'approche de quelqu'un d'autre. Bonjour monsieur. Qui es-tu, gueule ? Alors, tu es vilain. C'est la radio éphémère. Radio. Ah, attends, hop. Ah, saleté de Suisse. Alors, oui, que veux-tu ? Comment se passent les combats actuellement là ? Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Hein. Moi-même, Amanis de Gaulle, je viens de pulvériser quelques helvètes qui me. Attendez, il y en a un autre. Tiens ! Ah, oui, il y a des crânes qui explosent, du sang partout. J'aime ça, hein. Ça me plaît énormément. Je vous laisse, hein. Il y a trop d'helvètes sur moi. Allez, hein. Très bien. Oui, je me déplace encore. Fromage. Monsieur, oui, bonjour. Oui. Bonjour, soldat. Bonjour, moi, je suis un helvète, moi. Je suis un helvète. Alors. Vous n'avez pas vu du fromage ? Du fromage ! J'ai perdu ma montre. Que pensez-vous des Français, monsieur l'Helvète ? Pardon, j'ai pas compris la question. Les Français. Vous voulez les tuer, les Français ? Ah, les Français. Pour une fois qu'ils étaient à l'heure, les Français. Oh les gars, y'a un Helvète ! Lâche-moi ! Je me déplace vers. Ah, attention ! Mon micro. Voilà. Monsieur. Qui es-tu, toi ? Bonjour, vous êtes français ? Oui, je suis français. Ne brade pas cette arme sur moi ! Non, ce n'est pas une arme, c'est un micro, je viens du futur. Baisse-toi, coquin ! D'accord. Voilà. Oui. Chers auditeurs d'éphémère, je vous rappelle dès que la situation est un peu plus calme. À vous, éphémère, à vous, soit dit en passant. Rentrez les merguez.